dans la ville de Jéricho. Tous connaissent sa profession à toute heure du jour et de la nuit. Les hommes courent chez elle, puis s'enfuient comme des voleurs. Rap, vivait alors seul et nul de se douter de l'œuvre qui s'accomplissait dans son cœur. Ce qui détruit l'âme, ce qui détruit l'âme, ne saurait triompher, ne saurait triompher d'une vie nouvelle. Le Jourdain en mission dans la cité hostile, il visite une maison. Le roi devine leur intention. Il envoie ses hommes armés. Rapidement protège les étrangers. Elle saisit la grandeur. Sa famille sans